Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Allez, pour commencer, eh bien, tout le monde en piste, et c'est parti! Monsieur Émile Prudhomme. C'est gentil, Michel, de nous dire en piste, mais il faut qu'on bouge la table et puis les chaises. Eh bien, le temps que vous bougez la table et les chaises, nous allons écouter la valse interdite. Et c'est Monsieur André Trichot avec son accordéon. Thank you. Et oui, nous étions à la parade déjà, et c'était Albert Hennebel qui conduisait l'ambiance. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, comme tous les dimanches, c'est Accordéon Parade, une émission que vous propose Michel, 9h-10h. Une heure de musette, 100% de musette. Après avoir dansé une petite polka, romanelle, eh bien, si on faisait un tango, Tango Story, et c'est Monsieur Maurice Larchange. Thank you. je te demande les bons danseurs qu'on va accélérer le tempo. Merci, merci à Jean-Marc et à Yves de nous avoir proposé cette série de valses. Merci, messieurs. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, comme tous les dimanches, entre 9h et 10h, c'est Accordéon Parade, le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Et c'est Michel qui vous propose cette émission, une émission pour les mordus du dépliant. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Et ce dimanche, eh bien ce dimanche ou ce mardi, puisque l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h, c'est la fête au Rigi. Le Rigi est un charmant petit village qui se trouve dans le Valais. Faire une chanson qui parlera au cœur des filles que nous aimons. Avec des mots plus frais que la rosée des champs, avec des mots si doux qu'on verra le printemps. Avec des mots si beaux, avec des mots si grands qu'ils contiendront la terre et la neige et le vent. Avec des mots si beaux, avec des mots si grands qu'ils contiendront la terre et la neige et le vent. Allez, tu verras, on va faire une chanson qui parlera au cœur des gens que nous aimons. Avec une musique que tu mettras dessus, et ce sera comme si tu retrouvais la vue. Et dans tous les refrains, au cœur de chaque note, on verra le soleil et les drapeaux qui flottent. Et dans tous les refrains, au cœur de chaque note, on verra le soleil et les drapeaux qui flottent. Allez, tu verras, on va faire une chanson belle comme un jour de fête, tendre comme un frisson. Qui parlera au cœur de tous les gens du monde, que les gamins dessus danseront une ronde. Elle sera rien qu'à toi mon ami, et on la chantera pour oublier la nuit. Elle sera rien qu'à toi mon ami, et on la chantera pour oublier la nuit, pour oublier la nuit. Merci à Nono Müller qui vient de nous interpréter la chanson à Nono. Et Nono Müller était un accordéoniste non-voyant, mais drôlement sympathique. Et eh bien, oh monsieur Edouard Duleux, pardon, excusez-moi. Ah, les filles de votre visage sont jolies. Ah, oh, ben alors, eh bien, les filles de mon village, et c'est Edouard Duleux. Eh bien oui, elles sont charmantes, les filles du village d'Edouard Duleux. Et comment il y a Sébastien Giroudet qui a l'air d'être en colère, pourquoi? Ah, elles sont jolies aussi au Chinaillon. Ah bien oui, eh bien on va les promener au Chinaillon. Tiens, Sébastien Giroudet. Thank you. merci à Monsieur Aimable de nous avoir interprété ce grand succès de Charles Aznavour, Mise en merde. Et on continue avec une valse de Gusty Mallard, et c'est la valse des Niglous. Merci à ces sympathiques. Et oui, merci à ces sympathiques accordéonistes qui nous ont interprété la valse des Niglous. Et c'était une composition de Gusty Mallard. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien sûr, Accordéon Parade, émission que vous propose, que vous présente, que réalise Michel tous les dimanches sur votre radio sympathique entre 9h et 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et bien sûr, c'est une émission 100% musette. Et si vous voulez, vous pouvez danser, vous poussez un peu la table, les chaises, et on est parti! Et on est parti avec une variation auvergnate interprétée par la famille Fouquet. La famille Fouquet, allons Michel! La famille Floquet, non Fouquet. We'll be right back. Merci à monsieur André Verchuren. Et ça tourne ce dimanche, ça tourne. C'était la valse des As. Oh, pardon, madame. Je vois que vous avez perdu votre coiffe blanche. Mais heureusement qu'André Tillet est là pour la ramasser. Merci à André Tivet qui vient nous interpréter les coiffes blanches. Et André Tivet est né à Chaumeil, dans le même pays que Jean Ségurel, à peu près les mêmes années. Et maintenant, on va continuer avec l'homme à l'accordéon. Et l'homme à l'accordéon, c'est un des derniers enregistrements de Bruno Lorenzoni. Thank you. vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci aux sympathiques accordéonistes jurassiens qui viennent de nous faire danser la polka jurassienne. Merci, messieurs. Alors, les valseurs ! Eh bien, oui, les valseurs vont aller se reposer. Ils en ont plein les jambes ce dimanche. Et comme cet après-midi, ils vont les faire un tour en montagne. Eh bien, on va aller se reposer un petit peu. C'était Accordéon Parade, une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche, sur votre radio sympathique sur GFM. Et Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Ah, j'oubliais, l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Attention. La semaine prochaine, on va changer d'heure. Eh oui. On va retrouver l'heure d'hier. Ah non, l'heure d'hiver. Allez, avant de vous quitter, je vous signale qu'Accordéon Parade a été réalisé, présenté et programmé par Michel. Alors, auditrices, auditeurs de Sur GFM, passez une bonne semaine, un bon dimanche. Un bon mardi et bye, à bientôt! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Une heure de détente, une heure de bonne humeur avec Michel. Et une heure de musique pittoresque et variété. Au cours de l'émission, je vous proposerai d'écouter un disque d'enregistrement de Johnny, son dernier CD. Qui est tout chaud et qui vient de sortir. Comment vont nos auditrices, nos auditeurs? Toujours aussi sympathiques? Oh, pardon, je vois que j'étais en train de prendre le petit déjeuner. Le bon chocolat. La belle tartine. La confiture. Ouh, les gourmands. Vous avez bien raison, profitez-en. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Relax, bien sûr qu'on fait relax. Mais il y a encore autre chose. Ah, vous faites comme moi, nous, le dimanche, on reste au lit. Bonjour.

dirait, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Chaque dimanche, de 9h à 10h, Michel vous propose Accordéon Parade. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Accordéon Parade, c'est plus de 20 accordéonistes qui viennent vous charmer le dimanche matin. Qui viennent vous faire danser, valser, tangoter. Enfin, du bonheur pour les amoureux du bal. C'est Michel qui vous propose cette émission. Et puis, si vous n'avez pas le temps d'écouter dimanche matin ou mardi, à partir de 10h, puisque l'émission est rediffusée, eh bien, vous branchez Internet sur GFM, Podcast, et vous retrouvez l'émission. Alors, amateurs d'accordéon, amateurs de musette, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission d'Accordéon Parade. Et dimanche prochain, avec moi, une surprise. Et oui, il y aura Dédé de Montmartre dans les studios de Sorgia FM. Thank you. dédée de Montmartre, au son de l'accordéon vous donne le grand frisson. La valse à dédée de Montmartre, on la fait deux à deux, et les yeux dans les yeux. La valse à dédée de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Merci à Monsieur Émile Prudhomme qui nous a présenté Dédé de Montmartre. Et maintenant, on va faire un petit anniversaire. On va prendre un enfant par la main, Yves Duteil, et c'est pour l'anniversaire de Sylvain. Alors Sylvain, on vous souhaite un bon anniversaire. C'est de la part de votre mamie et de vos parents. Alors bon anniversaire à vous Sylvain. Prendre un enfant par la main, Yves Duteil, de la part de votre mamie et de vos parents. Yves Duteil.

Mais j'ai retrouvé plus mes chaussures. On me les avait volées, mes chaussures. Alors je traverse une pièce à moitié éclairée, je dis, excusez-moi, messieurs, dames, personne n'a vu mes chaussures. Et alors là, pardonnez-moi l'expression. Oh, que des qui à l'air. Au moins 3 douzaines de qui. De qui tout ni, hein. Oh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je l'ai sorti ma carte. Calçon boltonné, gros et des migros. Merci à Popek qui vient nous raconter une anecdote qu'il a eue au Bois de Boulogne il y a quelque temps. Et en parlant de Popek, il est sympathique ce Popek avec sa voix. Vous trouvez qu'il a un accent, un joli accent, bien. Eh bien tenez, en parlant d'accent, Fernandel, monsieur Fernandel, va nous parler des accents qu'il y a en France. L'accent Fernandel. Un poème de Zamakoïs, l'accent. De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort. Que nous disions de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous, et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du Nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri et le petit village où la treille splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Oh,

avait la bonne mère. Tout cela entre nous, ce n'est pas mal peu cher. Mais l'on est fier surtout de la valse de chez nous. Oh manine, qui combine la java des martialos. Oh, oh, oh, oh, oh. L'Eniston en frissonne, je connais rien de plus beau. Oh, oh, oh, oh, oh. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis momo. Manine, qui combine la java des martialos. À Paris, ils font cas de danse insupportable. Rumba ou carioca, vous dites que c'est minable. Mais de New York à Java, ils sont bien incapables de danser comme ça, la valse à petits pas. Oh manine, qui combine la java des martialos. Oh, oh, oh, oh, oh. L'Eniston en frissonne, je connais rien de plus beau. Oh, oh, oh, oh, oh. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis momo. Oh manine, qui combine la java des martialos. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Belinda, Belinda, Belinda. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Pour bien commencer votre dimanche, votre semaine, écoutez Accordéon Parade le dimanche de 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes. 100% musette sur la bande FM. Mince, j'ai oublié l'émission. Eh bien, ne vous en faites pas, vous vous branchez, vous prenez Internet et en podcast, vous avez Accordéon Parade. Et bien d'autres émissions de Georgia FM, bien sûr. Et à toute fin d'utile, je vous rappelle qu'Accordéon Parade est rediffusé le mardi à partir de 10h. À l'ambiance aujourd'hui. Et oui, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Le soleil est là. Et la neige, eh bien, c'est pour la fin du mois. Allez, sur ce, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, passez un bon dimanche, un bon mardi et une bonne semaine à l'écoute de nos programmes. Et à bientôt, bye bye! Attention bouchon, hein. Pas bon. visage. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.